Raymond Poirier est avec nous en studio pour parler de technologie d'information, puisqu'il est chargé de communication à Litis. Allô Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, on parle santé et technologie, évidemment. Exactement, mais toujours dans le spectre des technologies, et tout est relié. De toute façon, on parle de ville intelligente sporadiquement, mais reste que faut être en santé dans une ville intelligente, et la santé, si la ville est intelligente, mais le système de santé le devient lui aussi de plus en plus. Et je suis tombé sur une liste, en fait, c'est les amis du Sofrio qui l'ont réalisée. Une liste d'éléments technologiques qui nous montre à quel point, à certains degrés, la réalité rattrape la fiction. Donc, je me suis inspiré de cette liste pour créer la mienne et y ajouter un peu quelques éléments pour vous montrer à quel point, justement, on est rendu loin dans certains axes de recherche et dont certains, évidemment, vont se retrouver dans les urgences, dans les hôpitaux, dans les cliniques au fil des prochaines décennies. C'est à peu près certain. Et notamment, quand on parle de robotique, tiens, il y a des robots qui commencent à être utilisés, qui sont capables de porter assistance, par exemple, aux personnes âgées. Il y a un robot qui s'appelle Compay, qui est à commande vocale, qui, lui, peut effectuer quelques actions à la demande de son utilisateur, permettre d'apporter des médicaments, permettre de déplacer des objets, de prendre des choses. Donc, un compagnon robotisé, entre guillemets, bon, oui, une portée d'action quand même assez limitée, là, pour l'instant, mais reste que ça existe déjà, et qui plus est, ce compagnon robotisé-là est doté aussi d'une caméra, qui est en mesure de mesurer, de scanner la posture dans laquelle son propriétaire se trouve. Et évidemment, si cette posture-là est jugée dangereuse, exemple, si la personne est couchée à terre depuis 2 minutes, eh bien, il y a une petite alarme qui va se faire dans l'intelligence artificielle du robot et qui va donc appeler les services d'urgence en disant « il y a quelque chose d'anormal ici, la personne qui est mon propriétaire est à terre ». Donc, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, l'utilisation des robots est encore relativement limitée parce que les développements robotiques se font, ça avance, mais c'est pas encore nécessairement dans la zone de l'applicabilité. Donc, pour l'instant, on est surtout dans des éléments de téléprésence. On en a déjà parlé dans des précédentes chroniques. Donc, l'idée qu'avec un écran extrêmement perfectionné, on peut permettre à un médecin qui est dans un lieu X de voir un patient accompagné d'une infirmière qui est dans un lieu Y. Donc, ça se fait déjà dans des projets pilotes au Québec. C'est des projets qui sont menés notamment à différents degrés, que ce soit à l'Université Laval ou du côté de l'Université McGill, entre autres. Et dans d'autres régions, il y a aussi des expériences qui sont faites avec ce qu'on appelle un Remote Presence Virtual Independent Telemedicine Assistant, donc une espèce de petit robot, entre guillemets, donc sur roue, qui est facilement déplaçable de chambre à chambre et qui permet à un médecin d'être présent pour faire des rondes de vérification dans des urgences, dans des hôpitaux. Avec une caméra? Avec une caméra et une infirmière, évidemment, parce qu'il faut quand même avoir quelqu'un pour toucher, pour vérifier. Et une caméra qui est quand même extrêmement perfectionnée aussi. Et donc, ça permet, par exemple, quand on est dans un hôpital où il y a un nombre de médecins peut-être un peu plus faible sur certaines rondes, par exemple, la ronde de nuit, plus difficile d'avoir accès à un médecin, mais parfois, on a quand même besoin des vérifications d'un médecin. Alors, un même médecin peut être dans un hôpital, mais faire des rondes de vérification dans un ou deux hôpitaux, donc un temps qui est beaucoup plus rentabilisé, il y a moins de temps de pause, et parallèlement, ça permet justement aussi de bien gérer les urgences et d'avoir toujours une présence, à tout le moins virtuelle, d'un médecin. C'est mieux que rien. Évidemment, l'objectif ultime de tout ça, ce serait aussi de pouvoir éventuellement réaliser des opérations par téléprésence. On n'est pas encore rendu là. Pour l'instant, il y a des expériences qui se font en réalité virtuelle et le reste, mais c'est surtout pour des raisons de simulation ou de jeux sérieux, d'apprentissage, que pour la réalisation à proprement parler. Donc, on parle plutôt d'un accompagnement clinique. Exemple, donc, l'idée d'avoir un deuxième avis qui peut être donné virtuellement avec des scans et le reste. Mais l'action chirurgicale, pour l'instant, n'est pas encore rendue à être robotisée non plus. Il y a d'autres éléments qu'on peut demander à des robots de donner. Exemple, les diagnostics. On a déjà parlé du super ordinateur Watson d'IBM, mais c'est un peu là-dedans qu'il l'envoie. Donc, c'est un super ordinateur qui est capable, avec énormément d'informations, donc de catégoriser et d'évaluer les probabilités. Avec des symptômes, disons. Avec des symptômes, disons, parce que eux l'ont testé dans le jeu Jeopardy, et avec des symptômes, c'est un peu la même chose. Donc, c'est l'idée, exemple, si je dis, j'ai un patient qui a tel symptôme, je donne une liste, mettons, de 8 symptômes. Lui, il va évaluer dans l'ensemble de la littérature médicale qui va avoir été intégrée à sa mémoire. Il va essayer d'évaluer les cas où ces 8 symptômes-là se retrouvent simultanément ou si une bonne partie de ces symptômes-là se retrouve. Et ensuite, lui, présentement, il est en mesure de donner un diagnostic en disant, ben voilà, il y a 98% de probabilité que ce soit ça, selon mon évaluation. Ensuite, mettons 90 que ce soit telle chose et le reste. Et le médecin, par la suite, lui prend ces éléments-là et peut être accompagné. Donc, ça raccourcit sa période de diagnostic et peut évaluer précisément les éléments qui ont été évalués par la machine. C'est comme un robot Dr. House. Exactement. Bon, l'autre élément, ce serait qu'éventuellement, ils soient en mesure de donner un diagnostic absolu, mais encore là, il y a d'autres considérants. On parle quand même de la santé des gens, donc on peut pas non plus se lancer là-dedans sans exclure complètement l'humain. Parce que on reste donc dans le médical, on reste dans l'humain, il faut que l'humain y soit présent. Il y a des choses à prendre en considération aussi. Exactement. Et sinon, ben, d'autres éléments, c'est des petits robots qu'on traîne avec nous constamment, hein, nos téléphones. Ouais. On est de plus en plus en avoir et ma foi, si on est un hypochondriaque, on vit dans la bonne époque. Non, c'est vrai. Je suis tombé notamment sur des applications santé. On peut pratiquement tout faire avec ça. Et évidemment, bon, c'est pas toujours des bonnes applications. Donc, il y a quand même un défi de trouver quelque chose qui est médicalement viable. Il y a toute la question de la réglementation, d'ailleurs, parenthèse, qui est explorée aux États-Unis, à savoir justement, il y a tellement d'applications santé. Comment on va s'assurer que les applications sont en santé, soient correctes dans les évaluations qu'elles donnent pour pas soit créer des urgences ou soit, au contraire, faire croire à des gens qui sont en forme alors qu'ils ne le sont pas. Donc, il faut quand même vérifier l'adéquation entre l'application et la réalité. Mais reste que, bon, il y en a pour diminuer la consommation de cigarettes, pour gérer les humeurs. Et il y en a une, notamment, qui s'appelle Mobile Clinic, qui, elle, est capable d'évaluer l'état de santé d'un individu en donnant, donc, la pression artérielle, le rythme cardiaque, le taux de glycémie, le taux de cholestérol par plusieurs outils de mesure. Et également, ben, tu peux carrément, dans certaines zones avec des ajouts, en venir à ce que ça remplace une carte d'assurance maladie ou presque. Il y a pas mal de possibilités. Mais donc, tu peux pratiquement t'évaluer en temps réel, constamment, quant à ton niveau de santé. J'avoue que ça, c'est pour les hypochondriaques, c'est bon, mais je veux dire, c'est pas bon, là, parce que de toujours savoir son bilan de santé à la minute près... C'est pas facile. Ben, c'est dur à vivre. Si on a un peu plus de budget, en plus, ben là, on peut aller chercher, par exemple, un capteur capable de réaliser une échographie, de réaliser donc la captation interne. Bon, évidemment, là, c'est un peu plus cher, mais ça reste toujours à partir d'appareils mobiles, à partir d'une mécanique d'appareils mobiles. Évidemment, pour l'instant, c'est peut-être des éléments qui sont soit dispendieux, soit, bon... pas nécessairement juste, comme je le disais, mais en cours de route, donc ça va prendre en justesse et ça va baisser en coût, probablement. Donc, ça sera de plus en plus disponible aussi. Donc, ça sera intéressant de suivre tout ça. Donc, oui, je pourrais faire mon échographie à la maison. Je pourrais aussi aller chercher une application numérique qui, elle, a d'autres instruments de mesure, permet d'enregistrer toutes les données professionnelles du médecin, muni d'un revêtement spécifique pour éviter contamination, qui pourrait être utilisé carrément par le médecin. Donc là, on se rapproche aussi d'une notion d'utilisation du dossier médical électronique. Donc, il y a des plateformes qui existent. Il y en a qui sont développées même ici à Québec aussi. Docteur Marcel Aymon, notamment du côté de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui développe des applications informatiques de protocoles médicaux. Donc, il y en a d'autres qui sont disponibles sur tablette également. La question, c'est de voir maintenant comment on intègre ça aussi aux systèmes globaux. Parce qu'encore est-il sympathique de pouvoir prendre ma mesure, mais encore faut-il que la mesure aille à quelque part. Ouais. Ça, c'en est des exemples. Et j'ai parlé du jeu sérieux tout à l'heure. Ben, évidemment, ça devient extrêmement utile. Le genre de simulation, je te donne un exemple à l'Université Laval, Laboratoire de Vision et Systèmes Numériques. Il y a en chirurgie, des opérations que les médecins vont faire peut-être seulement une fois par année, deux fois par année, trois fois par année. Pas des cas qui sont généralisés, mais des opérations qui sont quand même difficiles. Donc, évidemment, c'est comme n'importe quoi. Si tu fais quelque chose régulièrement, tu vas être en mesure de l'apprendre, de parfaire, d'avoir une bonne technique. On devient meilleur. On devient meilleur. Tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour devenir meilleur dans une situation où on va en faire juste assez pour pas oublier? La simulation. Oui. On n'a pas le choix. Et donc, exemple, dans le cas de cancer de la prostate, bon, il y a une opération qui peut être faite. Et donc, le laboratoire et le professeur Denis Lorando ont développé, eux, une application qui permet donc de simuler la poussée de l'aiguille avec un élément robotique qui est jouxté à un élément de réalité virtuelle où on est en mesure d'essayer de reproduire l'effet que l'aiguille ressent lorsqu'elle entre dans les tissus humains. Parce que c'est beau la réalité virtuelle, donc de bien positionner les choses, mais encore, faut-il aussi réussir à intégrer les notions de volume, les notions de résistance. C'est pas n'importe quoi qui est capable de rentrer dans la peau. C'est pas facile de bien orienter une injection, de bien orienter une aiguille dans des tissus humains. Donc, il faut aussi réussir à trouver des mécanismes pour accompagner les médecins là-dedans. Sans avoir une espèce de mannequin là qui ressemble à une humaine, par exemple. Mais c'est qu'on peut aller plus loin que le mannequin. Ouais. En fait, avec la réalité augmentée, avec la 3D, la 3D qui permet beaucoup de choses de ce type-là. Et même, en fait, si tu dis, ben oui, la réalité virtuelle, c'est bien la 3D en ordinateur, mais moi, ce que j'aurais besoin, c'est de pouvoir voir le foie, la personne, à l'extérieur de son corps en 3D. C'est possible de le faire parce que aujourd'hui on peut désormais imprimer en trois dimensions. Donc ça se fait de manière peut-être un peu moins accessible présentement, mais ça le deviendra de plus en plus accessible en cours de route. Donc l'idée d'imprimer en 3D et notamment, c'est possible avec certaines applications qui sont développées. Ça c'est je crois Snoomi Technologies qui développe ça. Ben d'aller donc filmer, dans le fond, un organe en trois dimensions, donc d'aller chercher une reproduction 3D de cet organe-là dans le corps d'une personne, et ensuite d'en faire l'impression 3D. Et donc là, on parle pas non seulement d'une évaluation à partir d'un modèle virtuel, mais à partir d'un modèle réel. Et en plus, ben si il s'agit de faire une prothèse, eh bien, on s'entend que si on n'a pas besoin de mouler ni rien, on a simplement besoin d'imprimer la partie du corps qui est à remplacer, que ce soit un bras, que ce soit des dents, mâchoires, un élément à l'intérieur du corps, eh bien, si on a la représentation 3D physique, c'est beaucoup plus facile ensuite de la reproduire. Facilement. Exactement. Et donc, et ça, là-dessus, c'est le genre d'avancées qui sont en train d'être réfléchies présentement et qui arrivent quand même assez rapidement. Parce que au niveau de l'impression 3D, c'est déjà intégré, notamment en patrimoine, en archéologie et ailleurs. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus du côté artistique, du côté de la création. Donc, ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver quand même assez rapidement. Et donc ça c'est de la 3D, mais on a mentionné aussi les capteurs, pourquoi pas. On parle d'aller chercher justement d'autres outils pour aller mesurer les fonctions vitales des individus. Et donc l'idée par exemple, dernier exemple d'application qui me vient à l'esprit, on est dans un hôpital et ça c'est IBM qui le fait. Donc on met au pied des malades un système de capteurs, exemple au pied du lit du nourrisson. Et donc ce capteur-là mesure en temps réel différents signes vitaux et différents éléments pour avoir un bilan constant de l'état de santé du bébé, des bébés qui sont nés de manière prématurée. On peut faire la même chose avec des patients évidemment. On peut insérer des capteurs dans des vêtements pour prendre des mesures précises sur certaines parties du corps. Donc on est rendu à une étape où je lis ça et j'ai l'impression de naviguer en pleine science-fiction. Et à lire ça et à voir que la recherche, que soit ici comme ailleurs, est rendue à ce stade-là, ben ça nous montre à quel point justement on est peut-être rendu dans la perception d'une certaine génération de ce que c'était la science-fiction. C'est peut-être pas les voitures volantes, mais... Mais quand même. Ouais. Et de savoir aussi que ces éléments-là, il y en a une partie qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, on est rendu à cette étape-là. Et de savoir qu'on est rendu là également, ça permet de rêver aussi pour les étapes futures. Le seul problème, c'est que nous, on va être les premiers. Et ça peut être un peu épeurant, par exemple, de savoir qu'il y a un robot, par exemple, qui va nous anesthésier ou je sais pas. Mais on peut être certain qu'ils vont avoir été testés largement avant d'être mis en place. Je le disais tout à l'heure, il s'agit de la santé des gens. Et si ce n'était pas de ça, il y aurait probablement déjà plus de trucs qui seraient disponibles. Mais justement, on peut pas jouer avec la santé. Je pense que tous les chercheurs que j'ai rencontrés qui travaillent dans ce domaine-là s'entendent entièrement là-dessus. Il n'y aura jamais de projet, du moins dans les hôpitaux, qui vont être intégrés sans que ça ait été évalué ou réfléchi là, minimalement, du moins de ce que j'en ai compris et entendu, et de mes espoirs également. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.